L'humanitaire, ce n'est pas ma lutte. C'est une lettre écrite par Sofiane Bisio, de retour de mission avec l'ONG de sauvetage en mer Sea-Watch. Elle est parue le 20 juillet 2020 sur le site Paris Lutte Info et elle sera suivie d'un autre texte de Sofiane Bisio qu'elle a écrit pour Migre Europe en juin 2020. Non, papa. Je ne crois pas que je sois fière de moi. À mon retour de mission avec Sea-Watch, tu as été le premier à me demander si j'étais fière. Fière de ces plus de 200 vies secourues en Méditerranée, arrachées à l'enfer libyen au cours de 3 opérations de sauvetage difficiles. Difficile car en contexte de Covid-19, de fermeture des ports européens, de politique d'intimidation des milices libyennes, de météo dégueulasse pour un mois de juin. Non, papa, je ne crois pas que je sois fière de moi. La vérité, c'est que je n'ai jamais eu aussi honte. Je n'ai jamais été aussi en colère. La vérité, c'est que je ne sais pas comment je pourrais être fière. D'avoir embarqué sur un bateau de sauvetage avec d'autres militants et militantes plus ou moins pros pour secourir des vies en mer que les États européens ont les moyens et l'obligation légale de sauver eux-mêmes. D'avoir distribué des gilets de sauvetage à des enfants tout juste nés et d'avoir découvert à ce moment-là que les tailles bébés existaient aussi pour les équipements en secours de mer. D'avoir tenu dans mes bras des êtres humains incapables de soutenir leur poids, couverts d'essence et d'excréments, après avoir dérivé pendant 3 jours en mer. D'avoir dû, avec le reste de l'équipage, maintenir des corps en vie sur un bateau surpeuplé et une mer agitée, en attendant que l'Italie accepte d'ouvrir ses ports pour les accueillir. D'avoir distribué des barres de survie, des chaussettes et des brosses à dents à des gens infiniment plus autonomes que moi. D'avoir pris soin de corps meurtris, affamés et torturés pour rien, au nom de l'absurdité des politiques migratoires européennes. De m'être presque habitué aux histoires de torture et de viol, aux marques sur les corps. D'avoir répondu « Oui, je sais » à une énième histoire de Libye, pour l'écourter, pour ne pas entendre plus, ne pas voir. D'avoir été si faible devant des gens si forts. D'avoir oublié le temps d'une fête improvisée sur le pont arrière du Sea-Watch, au milieu des cris de joie, des rires et des danses, la violence et l'absurdité de la situation. D'avoir menti en acquiesçant au « Tout ira mieux en Europe !» lâché ça et là, de peur de froisser trop vite et trop tôt des espoirs impossibles. D'avoir distraitement répondu « See you soon in Paris !» sans avoir le courage d'expliquer la merde qu'était Dublin, de peur que les gens ne se jettent par-dessus bord comme ça s'est passé sur l'Océan Viking. D'avoir offert à ces personnes comme premier spectacle de l'Europe des hommes en uniforme, armés de matraques. D'avoir endossé, à leurs yeux, l'image affreuse et violente du héros, du sauveteur blanc venant au secours de personnes racisées. D'avoir dû offrir à des gens comme un privilège, ce qui relève d'un droit fondamental. D'avoir posé mes fesses dans un avion pour faire un Palerme-Paris à 50 € en pensant que ce même trajet prendrait à mes amis des mois, voire des années, plusieurs centaines d'euros et une bonne dose de violence policière et tant de tracas administratifs. D'avoir lu à mon retour dans un journal italien à l'aéroport qu'au mois de juin, 20% des personnes ayant tenté la traversée de la Méditerranée avaient perdu la vie. D'avoir, les soirs, observé la mer depuis la proue du bateau et de l'avoir trouvée belle. Aimer ce qui est une hideuse fosse commune. De m'y être baigné, d'y avoir nagé, d'avoir entre deux dinghies croisé en mer des ferries et des bateaux de croisière remplis de gens qui ont le droit de voyager, d'être libres, de vivre. D'avoir partagé des moments si forts et si précaires avec des inconnus qui, pour certains, sont devenus des amis. Des personnes avec lesquelles on aimerait lutter ensemble et debout, plutôt qu'assises au fond d'un bateau à distribuer des chaussettes. Non, non, papa. Je crois pas que je sois fière de moi. La vérité, c'est que je n'ai jamais eu aussi honte. Je n'ai jamais été aussi en colère. L'humanitaire, ce n'est pas ma lutte. Ce n'est celle de personne, d'ailleurs. C'est ni celle de Sea-Watch, ni de son équipage. Tout cela ne devrait juste pas exister. Liberté de circulation pour toutes et tous. Sofiane Bisio. Voilà, c'était donc la lettre qui est parue sur le site paris-lutte.info le 20 juillet 2020. Elle avait écrit donc en juin dans le magazine Plein Droit, le magazine numéro 125 de juin 2020, donc pour le Gisti, une note, une synthèse, voilà, une synthèse du rapport conjoint Migre-Europe FTDES, politique du non-accueil en Tunisie, des acteurs humanitaires au service des politiques sécuritaires européennes. C'est en fait un rapport qui est à paraître ou qui est paru, j'ai pas réussi à trouver l'information, et qui a été rédigé à la suite d'une mission de Migre-Europe en Tunisie entre septembre et décembre 2019. Donc, je vais vous lire la synthèse, sachant que il y a énormément de notes de renvoi en bas de page, et que, bah, comme pour toutes les lectures, je vous conseille d'aller voir directement sur le site. Je mettrai tous les liens, évidemment, en description des lectures. Sur le site donc de gisti.org, c'est l'article 6468, vous trouverez facilement. Le titre est donc « La Tunisie, terre d'accueil des politiques européennes ». Et c'est donc un texte de la même Sofiane Bisio pour Migre-Europe. Pays en paix, doté d'institutions démocratiques, soi-disant accueillant pour les migrants et migrantes d'Afrique subsaharienne, la Tunisie apparaît comme le candidat idéal pour la sous-traitance des politiques migratoires de l'Union européenne. Et, de fait, les institutions européennes ne ménagent pas leurs efforts pour obtenir un accord de réadmission avec les autorités de Tunis pour faire de ce pays le réceptacle de tous les indésirables d'Afrique du Nord et subsaharienne renvoyés d'Europe, jusqu'à imaginer y installer le plus grand hotspot d'Afrique. La réponse est claire, c'est non. Nous n'avons ni les capacités ni les moyens d'organiser des centres de rétention. C'est par ces mots qu'en juin 2018, Tahar Chérif, ambassadeur tunisien auprès de l'Union européenne, clamait le refus de la Tunisie d'accueillir sur son sol les plateformes de débarquement régionales proposées par la Commission européenne. Ce plan, consistant à débarquer les personnes interceptées ou secourues en Méditerranée dans les pays d'Afrique du Nord et à confier à ces derniers le soin de les trier, suivait l'annonce de la fermeture des ports italiens aux bateaux d'ONG par Matteo Salvini, alors ministre de l'Intérieur. Au-delà de la volonté feinte des gouvernements européens d'empêcher ainsi les pertes tragiques de vies humaines, l'ambition ne faisait aucun doute. Éviter à tout prix les arrivées sur les côtes européennes et déléguer la gestion de ces populations jugées indésirables aux pays outre-méditerranéens. Alors que l'Union européenne attendait beaucoup de ce plan, son issue fut un échec cuisant. Les uns après les autres, les pays d'Afrique du Nord ont refusé d'accueillir ces plateformes et de jouer les gardes-frontières de l'Union européenne. En février 2019, à l'occasion du sommet de l'Union européenne-Ligue arabe, 55 États africains ont adopté une position commune pour rejeter le plan de Bruxelles. Mais si, fin 2018, il était déjà évident que le plan de la Commission européenne ne serait pas mis en œuvre, cela faisait déjà plusieurs années que de telles plateformes tendaient de facto à être développées en Afrique du Nord. Si l'exemple le plus flagrant est la Libye, où depuis 2017 l'Union européenne soutient massivement la garde côtière et participe à maintenir un système carcéral de contrôle des populations migrantes, la Tunisie semble émerger comme la candidate privilégiée pour se transformer en terre de stockage des indésirables, alors qu'elle n'est en rien un pays sûr pour les personnes migrantes. Depuis longtemps identifié comme un pays de départ pour les Haragas, Tunisiens et Tunisiennes, et plus récemment comme un pays de transit pour les migrants d'Afrique subsaharienne fuyant la Libye en guerre, la Tunisie représente un enjeu important pour l'Union européenne en matière de contrôle migratoire. Si, après 2 ans de coopération renforcée avec différentes milices libyennes et au prix d'une hécatombe en Méditerranée, les dirigeants et dirigeantes européens et européennes sont parvenus en 2019 à endiguer une partie importante des traversées vers l'Italie depuis la Libye, ce sont désormais les départs de Tunisie qui les inquiètent. En 2019, avec la baisse des départs depuis la Libye, les Tunisiens et Tunisiennes sont en effet devenus la première nationalité représentée parmi les personnes arrivées en Italie. L'Italie dispose déjà d'outils efficaces, entre guillemets, lui permettant d'expulser les ressortissants et ressortissantes tunisiens et tunisiennes arrivant sur son sol. Mais l'Union européenne redoute une autre invasion, celle des migrants et migrantes d'Afrique subsaharienne retenus sur le sol libyen, qui décideraient de se rendre massivement en Tunisie pour fuir la guerre et y trouver une protection, mais aussi pour tenter la traversée vers l'Europe. Si les chiffres viennent largement tempérer cette prédiction, le fantasme de voir la Tunisie se transformer en pays de transit et devenir le sas des migrations vers l'Europe résiste. Il justifie l'attention croissante de l'Union européenne, que l'Union européenne accorde à ce petit pays et le rôle qu'elle voudrait lui donner en termes de contrôle migratoire en Méditerranée. La Tunisie dispose de nombreux atouts que la Libye n'a pas. Pays en paix, doté d'institutions démocratiques dans une région stable, dans une région, pardon, instable, et ayant la fausse réputation d'être une terre relativement accueillante pour les migrants et migrantes d'Afrique subsaharienne. Elle offre, contrairement à la Libye, une image acceptable pour la sous-traitance des politiques migratoires européennes. La poubelle migratoire de l'Europe. L'externalisation des frontières européennes en Tunisie remonte à bien avant la chute de Ben Ali. Elle s'est matérialisée dans le cadre de la coopération bilatérale tuniso-italienne. Cependant, ce n'est qu'après la Révolution que la Tunisie a été regardée comme un pays de transit, non plus seulement comme un pays de départ. En 2012, la Tunisie noue avec l'Union européenne un accord de partenariat privilégié, concrétisé par un plan d'action pour la période 2013-2017. L'ambition est claire: ouvrir la voie à l'externalisation des politiques d'asile et le retour de l'Union européenne en Tunisie. Le plan mentionne tout d'abord l'ouverture de négociations pour la conclusion d'un partenariat pour la mobilité, le PPM. Ce partenariat, qui fait l'objet en 2014 d'une déclaration conjointe entre la Tunisie et l'Union européenne, porte mal son nom. En échange d'une politique de facilitation des visas réservée à une petite élite ultra qualifiée de ressortissants et ressortissantes tunisiens et tunisiennes, la Tunisie s'engagerait à signer un accord de réadmission par lequel elle faciliterait le retour sur son sol non seulement de ses ressortissants et ressortissantes expulsés d'Europe, mais aussi des ressortissants et ressortissantes de pays tiers ayant transité sur son territoire. Un accord qui ferait d'elle la poubelle migratoire de l'Europe. Dans cette entreprise, l'Union européenne prend des gants. Pour respecter sa propre législation, qu'elle viole pourtant quotidiennement à ses frontières, et les conventions internationales dont ses États membres sont partis, il lui semble préférable de faire de la Tunisie un pays tiers sûr avant de conclure cet accord de réadmission. Notion définie dans la directive dite procédure de 2013, un pays tiers sûr doit principalement respecter le droit d'asile et le principe de non-refoulement conformément à la Convention de Genève de 1951. Ainsi, le partenariat privilégié prévoit la mise en œuvre par la Tunisie d'une législation sur l'asile. Toute personne ayant déjà proposé une demande d'asile ou ayant déjà été reconnue réfugiée en Tunisie pourrait y être renvoyée sur le principe qu'elle disposerait d'une protection suffisante et qu'elle n'aurait pas besoin de protection en Europe. HCR et OIM, bras humanitaire et bras sécuritaire de l'Union européenne en Tunisie. Alors que la Tunisie ne dispose pas encore de cadre législatif national concernant l'asile, c'est le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, qui est chargé sur le sol tunisien de la procédure de détermination du statut de réfugié et de la protection des personnes reconnues comme telles. Soutenu par l'Union européenne, le HCR joue également un rôle important dans l'élaboration d'une législation nationale sur l'asile en Tunisie. Depuis 2015, les programmes européens se sont succédés pour apporter, via le HCR, un soutien aux autorités tunisiennes dans l'adoption d'une telle loi. Le dernier, financé à hauteur de 2 millions d'euros pour la Tunisie dans le cadre du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique, le FFU, a été adopté en décembre 2019. L'Union européenne n'y cache que maladroitement ses ambitions de contrôle migratoire derrière une rhétorique de protection, évoquant notamment l'objectif de réduire les risques de mouvements dangereux vers l'Europe. L'Union européenne collabore aussi avec l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, pour la sous-traitance de ses politiques de retour. En 2017, la Tunisie bénéficiait du programme du Fonds d'aide pour la protection et la réintégration des migrants, le FFU, donc, financé à hauteur de 2,5 millions d'euros mis en œuvre par l'OIM. Ce projet vise à développer les politiques de retour sur le sol tunisien, ne mentionnant qu'à la marge le renforcement des capacités des autorités tunisiennes en matière de retour forcé, d'expulsion. L'Union européenne met en avant son soutien en tant que bailleur au programme de retour volontaire et de réintégration de l'OIM depuis la Tunisie. Retour dont le caractère volontaire est plus que douteux, cette notion plus neutre et consensuelle que celle d'expulsion permet à l'Union européenne de dépolitiser les sujets polémiques tout en prétendant œuvrer au bien des migrants et des migrantes. En s'appuyant sur deux organisations onusiennes qui prennent les traits d'acteurs humanitaires pour externaliser la gestion migratoire en Tunisie, les autorités européennes tirent ainsi les avantages du mélange des genres entre protection et contrôle. Si la Tunisie est en passe de se transformer en un centre de demande d'asile et en plateforme de retour au service de l'Union européenne, c'est sous couvert de protéger des personnes migrantes, les accueillir au plus près de leur région d'origine, leur donner les moyens de rentrer chez elles, les protéger contre les réseaux de traite et de trafiquants d'êtres humains, les empêcher de prendre des risques en traversant la Méditerranée, etc. Manière d'adapter les marchandages migratoires européens à la transition démocratique tunisienne et de les présenter sous un jour plus acceptable. Le registre de la protection et les acteurs humanitaires semblent être devenus les nouveaux outils de l'externalisation des frontières dans sa version soft power. Un hotspot géant en Afrique? Identifié comme pays de transit et présenté à tort comme une terre accueillante pour les personnes migrantes, la Tunisie tend ainsi à s'imposer comme la candidate idéale pour devenir le futur hotspot de l'Union européenne sur les côtes africaines. Mise en place en Grèce et en Italie à l'initiative de la CE en 2015, l'approche hotspot consiste à aider les États membres les plus exposés à assurer l'identification et les tri des personnes migrantes à leur arrivée, avec le soutien du Bureau européen d'appui en matière d'asile, le EASO, et à coordonner les opérations de retour avec le soutien de Frontex. Les politiques d'externalisation de l'Union européenne déploient, pardon, les politiques d'externalisation que l'Union européenne déploie en Tunisie reprennent exactement ce schéma, à ceci près que le tri n'est pas opéré par les agences européennes, EASO et Frontex, sur le sol européen, mais par des organisations internationales, le HCR et l'OIM, sur le continent africain, où l'Union européenne peut bénéficier de l'extraterritorialité de ces dispositifs pour offrir aux personnes migrantes un droit d'asile au rabais et s'exonérer par là même des violations de droits qui pourraient être commises. C'est ce schéma que l'on retrouve dans la proposition de la Commission européenne de plateforme de débarquement. Alors qu'en 2018, la Tunisie refusait de manière catégorique leur installation sur son sol, elle accumule en réalité progressivement les outils et les structures destinées à l'identification, au tri, au stockage et au retour des personnes migrantes, non seulement celles arrivées par la voie maritime, mais également celles qui arrivent de Libye par voie terrestre. Les frontières se biométrisent, les ports tunisiens sont progressivement équipés de systèmes de collecte d'empreintes, de nouveaux centres d'accueil, entre guillemets, voient le jour, Le personnel du HCR et de l'OIM est en constante augmentation pour accroître les capacités de détermination du statut de réfugié et les capacités de retour, les financements de l'Union européenne ne cessent d'augmenter. Si cette tendance de la Tunisie à devenir le hotspot africain de l'Union européenne se fait pour l'heure à petite échelle, celle-ci pourrait prochainement considérablement s'élargir dans le cadre du plan de contingence, ce plan sur lequel les autorités tunisiennes travaillent depuis 2014 en étroite coopération avec l'OIM, le HCR et d'autres acteurs onusiens. Il a pour ambition d'éviter le chaos de Choucha de 2011, et d'organiser une réponse coordonnée en cas d'afflux massif à la frontière libyenne. Alors que pendant plusieurs années, les autorités tunisiennes ont refusé l'installation d'un camp, le plan révisé de 2019 prévoit bien la construction d'un camp géant en plein désert dans le sud tunisien. Il pourrait accueillir, dans le pire scénario, jusqu'à 50 000 personnes. L'OIM y serait chargé de mettre en place des programmes de retour volontaire et le HCR d'organiser la réinsertion des personnes reconnues réfugiées. Si le rôle joué par l'Union européenne dans le plan de contingence n'est pas clair, les soupçons selon lesquels celle-ci pourrait en faire un instrument de ses politiques d'externalisation des frontières sont forts. Destinée à l'accueil de personnes arrivées de Libye par la frontière terrestre, rien ne dit que ce camp ne sera pas également utilisé pour les personnes débarquées. Présenté comme une solution visant à résoudre une situation d'urgence, son caractère temporaire, comme celui de tout camp, n'est que peu crédible. Alors que les États membres ne sont pas parvenus à s'accorder sur un mécanisme de relocalisation pour se répartir les personnes demandant l'asile enregistrées dans les hotspots européens, il est difficile d'imaginer qu'ils se mettront d'accord pour réinstaller des réfugiés depuis un pays qu'ils tentent de faire passer pour sûr. Dans ces conditions, le scénario des hotspots grecs, devenus des prisons à ciel ouvert dans lesquelles s'entassent des milliers de personnes, pourrait probablement se répéter dans le sud tunisien. En outre, nul ne sait si ce camp sera ouvert ou fermé, mais sa qualification de centre de réception et d'orientation, renvoyant dans la typologie tunisienne au centre de rétention, fermé, existants, où sont organisées les expulsions. Cela laisse présager le pire. Enfin, la localisation du futur camp à proximité d'un aéroport en pleine expansion fait craindre qu'il puisse à l'avenir héberger des ressortissants et ressortissantes de pays tiers expulsés d'Europe si la Tunisie finissait par signer un accord de réadmission. Résistance et complaisance. La Tunisie deviendra-t-elle le hotspot africain de l'Union européenne? Pour certains et certaines analystes, jamais les autorités tunisiennes n'accepteront un tel avenir. C'est oublier que les outils de pression de l'Union européenne sont conséquents et les négociations déséquilibrées. La Tunisie comptant sur l'aide au développement que l'Union européenne lui accorde, laquelle est en partie conditionnée par sa collaboration en matière de contrôle migratoire. Par ailleurs, l'État tunisien ne saurait être dépeint comme la pure victime des politiques d'externalisation de l'Union européenne. Les autorités tunisiennes tirent indéniablement profit de certains dispositifs qui viennent servir leur propre politique discriminatoire et leur volonté de contrôler les populations migrantes sur le territoire. Aussi, s'il semble difficile de convaincre la Tunisie de devenir la poubelle migratoire de l'Union, l'Union européenne, les intérêts des dirigeants et dirigeantes européens et européennes et tunisiens et tunisiennes pourraient-ils finalement se rejoindre? Au-delà de l'assentiment des autorités tunisiennes à collaborer, l'Union européenne devra faire face aux voix nombreuses qui s'élèvent pour alerter sur le fait que la Tunisie est très loin d'être un pays sûr pour les personnes migrantes, y compris pour celles qui demandent l'asile. Refoulement aux frontières, conditions d'hébergement désastreuses, déficience de la prise en charge médicale, manque d'informations, entrave à la demande d'asile, absence de transparence et de garantie lors de la procédure de détermination du statut de réfugié, racisme, difficulté d'accès au marché du travail et à l'éducation, expulsion en plein désert, pression pour le retour dans le pays d'origine, intimidation et abus de pouvoir de la part des organisations les prenant en charge, etc., etc., tel est le tableau de l'accueil, ou plutôt du non-accueil, en Tunisie. Mais là aussi, rien d'insurmontable pour l'Union européenne qui n'en est plus à une compromission près dans ses marchandages migratoires. D'ailleurs, les autorités tunisiennes et européennes se rejoignent sur ce point. En aucun cas, il ne faudrait faire de la Tunisie un pays trop accueillant, susceptible de créer un appel d'air aux portes de l'Europe. Ce qui, en d'autres termes, signifie pousser les migrants et les migrantes à rentrer dans leur pays d'origine et ne stocker en Tunisie que le strict nécessaire. Aussi, le non-accueil pourrait-il bien faire partie de la stratégie d'externalisation de l'Union européenne? Cet article donc est la synthèse du rapport conjoint de Migre Europe FTDES, politique du non-accueil en Tunisie, des acteurs humanitaires au service des politiques sécuritaires européennes, rédigé à la suite d'une mission Migre Europe en Tunisie entre septembre et décembre 2019. Et il a donc été rédigé par Sofiane Bizio. Ces deux lectures se font au moment où un nouveau navire a été affrété par un artiste riche, mais avec une équipe complète pour venir en aide aux autres navires déjà débordés pour secourir des migrants et des migrantes qui tentent la traversée. Et d'autres articles sont en train d'apparaître assez dramatiques, comme un article qui vient d'être publié aujourd'hui même, nous sommes le 30 août, dans The Telegraph, au sujet d'exilés, de centaines d'exilés africains, surtout éthiopiens, qui sont enfermés dans des camps en Arabie Saoudite et dans des conditions inhumaines. Cet article est en anglais, je ne vais pas le lire à la suite, mais voilà, ça fait partie de ces articles qui font qu'on ne peut pas ignorer, en étant en France, que on laisse mourir, crever, des centaines et des centaines et des centaines de personnes en détresse à l'extérieur des frontières et qu'on en a la responsabilité.